D'une manière générale, les dépassements se font par la gauche, mais on est autorisé à dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé son intention de tourner à gauche, ce qui est le cas dans cette situation. Toutefois, il faut disposer de suffisamment d'espace entre le véhicule et l'accotement pour que la manœuvre se fasse en toute sécurité. Pas question de rouler sur le bas-côté et j'aurai des difficultés à laisser un intervalle latéral de sécurité correct entre cette camionnette et ma voiture. Je ne dépasse pas par la droite. Réponse B.